Chapitre 4. Les jours n'avaient plus de mesure pour Mademoiselle de Carnavon. Tous lui paraissaient radieux dans leur vol quotidien, qui, aux mêmes heures, lui versaient les mêmes troubles délicieux et les mêmes joies intimes. Des rencontres, des promenades, des conversations le long des allées bordées de buis du petit jardin, des stations au bord de la mer où l'on s'attardait sur le sable fin, à regarder trembler les étoiles dans l'eau ou palpiter au vent les voiles latines des barques de pêcheurs en marquaient les étapes. Il ne semblait pas qu'il en pût être de plus heureuse. Un soir, Esther et M. de Mauplat s'étaient rendus avec toute la famille au sommet d'une petite colline qui faisait une gibbosité dans la plaine. Des enfants à grand bruit les accompagnaient, courant et sautant comme des chevreaux parmi les broussailles qui en couvraient les pentes. C'était une époque où toute la jeunesse du pays s'amusait à célébrer une fête locale par des feux allumés sur les hauteurs. On en voyait qui déjà flambaient çà et là. Des voisins, précédés par des bandes de petits garçons et de petites filles, s'étaient joints à Madame de Carnavon et à ses filles. Chacun avait choisi une place à sa guise sur un lit de bruyère que parfumaient les senteurs du thym et de la lavande, du romarin et du fenouil. La clarté de cette nuit splendide et transparente, Esther et Raoul s'étaient assis l'un à côté de l'autre. Les étoiles avaient des scintillements de feu. Des lumières tremblaient au loin dans la campagne. Cependant, les enfants, dirigés par Jacques, avaient réussi à élever sur le point culminant de la colline un gros bûcher de fagots secs, de branches mortes, de vieilles planches, de barriques de goudron défoncées et remplies de pommes de pin, et y avait mis le feu. Bientôt, la flamme jaillit impétueusement de ce monceau de matière résineuse et fit monter vers le ciel un jet de clarté vive qui traçait un cercle éblouissant dans la nuit. Les garçons se mirent à sauter par-dessus l'énorme brasier croulant avec de grands cris joyeux. On voyait coup sur coup leur silhouette noire passer au travers de la flamme rouge, retomber de l'autre côté, puis s'effacer dans l'ombre, et sans cesse, s'appelant et s'excitant, ils recommençaient. Étendue sur son lit d'herbes aromatiques, Esther savourait les douceurs de cette nuit tiède. D'une main distraite, elle arrachait des tiges de lavande dont l'arôme pénétrant restait à ses doigts. Ses yeux se perdaient dans les étoiles. Elle échangeait avec Raoul quelques paroles à demi-voix, lentement. Les mots avaient pour elle une signification que la langue ne leur donne pas, une signification en quelque sorte musicale, qui s'exprimait par des sons, en dehors du sens précis qu'il pouvait avoir et que son cœur entendait. Tout la charmait dans cette heure enchantée, la vie et la nature, qui l'enveloppait de jeunesse et de parfum. Tout à coup, sur sa main, elle sentit la chaleur de deux lèvres qui s'y posaient doucement. Un frisson la prit, elle voulut la retirer, mais sa main resta prisonnière entre deux mains qui la retenaient. Le baiser dont elle était troublée avait la tendresse et la douceur d'une prière. C'était comme une supplication muette, une adoration. Esther n'eut plus la force de se dérober à cette étreinte et ferma les yeux à demi. Les jeux de la flamme qui dansaient sur l'herbe, les longs reflets rouges qu'elle projetait dans la nuit et qui s'étendaient au loin parmi les ombres noires des collines, le grand silence de l'espace plein de vagues et flottantes rumeurs, tout contribuait à la plonger dans une sorte d'enivrement placide qui avait le charme du rêve. « Que la nuit est belle !» dit une voix à son oreille. « On voudrait qu'elle ne finisse jamais. »« Oh non, jamais !» répondit-elle si bas qu'elle s'entendait à peine. Un baiser plus long s'appuya sur sa main. La sensation d'un bonheur intense la pénétra si profondément que des larmes lui vinrent aux yeux. La voix de son frère la tira subitement de cette extase, où elle était comme anéantie. « Le froid vient, réveille-toi, belle endormie » cria-t-il en s'approchant. Réveillée, non pas du sommeil, mais de l'ivresse, Esther se leva tout éperdue. Quelques voisins s'arrêtèrent au courtil. Hortense alluma une douzaine de bougies qui dormaient dans leur vieille bobèche à pendeloques. Les deux petits salons où s'étalaient les portraits de famille prirent un air de fête et Madame de Carnavon ordonna qu'on servît le thé. Esther allait de ci de là, versant le liquide brûlant dans les tasses. Des pâleurs et des rougeurs subites passaient sur son visage et sa main, mal assurée, faisait teinter le goulot de l'antique théière contre la porcelaine. « Qu'as-tu donc ce soir? Es-tu malade ?» lui demanda Hortense. « Moi, au contraire ?» répliqua-t-elle étourdiment. Elle rencontra les yeux de Raoul et sentit que tout tournait autour d'elle. Quand elle remonta dans sa chambre, ses jambes ne la portaient plus. Elle croyait à toute seconde que la respiration allait lui manquer. Elle tomba à genoux et, les mains jointes, cria « Mon Dieu, mon Dieu !» C'était un ravissement, et si la mort l'eût prise en ce moment, elle eût été contente. Un instant après, elle était devant son livre à serrure et sa plume glissait sur le papier. Il y a des heures où l'on est si profondément heureuse que le cœur déborde et qu'on a des envies de pleurer. Ah, ce 15 juillet, voilà une date que je me rappellerai. On dirait qu'un sillon de lumière a traversé ma vie. C'était donc vrai ce que Blanche m'écrivait. Il y a des bonheurs qui rendent fou et ces bonheurs nous viennent d'un autre. Des riens remplissent ma vie et lui suffisent. L'autre soir, j'étais accoudé à la balustrade d'une petite terrasse d'où la vue s'étend au loin. Il était auprès de moi. Je ne sais ce qu'il me disait. Je regardais un ver luisant qui brillait comme une émeraude sur un brin d'herbe. Un convoi vint à passer, faisant flotter son panache de fumée et traînant après lui son tonnerre. Je me rappelais avec étonnement qu'autrefois j'avais toujours envie de le suivre. Pourquoi tant d'agitation et que va-t-on chercher au loin qu'on ne puisse trouver à côté de soi? L'autre jour, nous revenions d'une course où Jacques nous avait entraînés. J'avais à la main une gerbe de fleurs des champs ramassées un peu partout. Mes cheveux, dérangés par l'ardeur de cette marche à travers bois et vallons, flottaient en désordre sur mes épaules où pendait un chapeau de paille retenu par un bout de ruban. Au détour d'une allée, à deux pas du courtil, ma sœur Charlotte vient à moi, pose sa main amaigrie et pâle sur mon bras, me regarde et dit « Pauvre petite !» Ce fut tout. Elle passa, me laissant tout interdite. Pourquoi, pauvre petite? Que va-t-elle dire par là? Qu'ai-je à redouter? Elle m'a gâté mon bonheur. La moitié de ma gerbe s'est répandue sur mes pieds. Mes mains en effeuillaient le reste tristement lorsqu'un tourbillon de notes a éclaté au-dessus de ma tête. C'était comme un torrent de sons joyeux qui sautait par la fenêtre en cascade. J'ai franchi l'escalier d'un seul élan. Monsieur de Mauplat était devant le piano, jouant une valse endiablée qui eût fait bondir un cercle de douairières. J'ai pris ma sœur Hortense par la taille et j'ai valsé avec elle, malgré elle. Son chien, effaré, jappait autour de nous, et moi, je tournais toujours, balayant de mes cheveux au passage le visage du pianiste. « Es-tu folle ?» m'a dit Hortense, qui a fini par tomber épuisée dans un fauteuil. « Folle, je le crois bien. » Je ne sais comment finira ce roman. Il est clair que si Monsieur de Mauplat m'aime, il ne peut avoir qu'un seul désir, passer sa vie avec moi. Ma mère, cette fois, sera-t-elle plus accommodante? Je prévois des luttes qu'il me faudra subir, mais j'y suis déterminé. Je ne céderai pas comme ma sœur Charlotte. Je combattrai pour moi, pour lui, et rien ne me fera plier. Il me semble, est-ce une illusion, que j'ai surpris dans les yeux de Madame de Carnavon une nuance d'attendrissement. Elle n'a plus cette même austérité d'autrefois. Elle me regarde avec plus de douceur. Aurait-elle deviné et consentirait-elle déjà au fond de son cœur? Mon Dieu, si c'était vrai, aucun obstacle ne me séparerait plus de ce bonheur que Blanche a connu. L'intensité de la vie d'Esther se traduisait alors par la quantité des pages qu'elle noircissait. Elle avait 100 choses à se dire qu'elle se racontait le soir, et c'était une manière de repasser encore par les sentiers qui l'avaient le plus charmée. Monsieur de Mauplat, de son côté, ne se faisait pas faute d'écrire, et l'ami qu'il avait laissé en congé à Paris était bombardé de lettres où les confidences remplissaient 4 pages de caractères serrés, menus. Monsieur de Beaurepaire, de quelques années plus âgé que Raoul et un peu son parent, servait dans la même arme, où la supériorité de son grade et son expérience lui donnaient sur le jeune enseigne, qu'en riant il appelait son filleul, l'autorité d'un tuteur, mais une autorité mitigée par l'esprit et la familiarité. Un matin, et au plus fort de cette expansion sans cesse renouvelée, le facteur rural remit à M. de Mauplat une lettre ainsi conçue. « Il ne te manque, mon cher Raoul, que de mettre des rimes à ta correspondance pour en faire des pastorales. Il s'en dégage une odeur de foin coupé. Ce ne sont que chants d'oiseaux, murmures de la brise dans le feuillage et clair de lune qu'on n'est point coutumé à trouver sous la plume d'un marin. À te dire franchement les choses, tu me parais tombé dans un guépier. » Tu couches en joue par 2 beaux yeux qui veulent faire de toi, mon garçon, un mari, ce qui est terrible, et ce qui est pire encore, un homme de terre ferme. Mais grâce au ciel, je suis là. et je ne permettrai pas qu'on t'assassine. Mon congé expire dans une semaine. 24 heures après, je suis à Toulon. Le lendemain, je tombe au Courtil, et si je ne me suis pas trompé, gare au branle-bas. Tu verras alors de quel bois se chauffe un capitaine de frégate. Quel honneur et la surprise de compter un poète dans sa famille. Dussé-je appeler tout l'équipage de l'Arétuse à mon aide, je t'enlève et je t'embarque. Les plaisanteries venaient après les menaces. Il y en avait deux ou trois pages sur ce ton, mêlé de remontrances et d'objurgations. La lettre lue, Raoul la mit dans sa poche et courut rejoindre Mademoiselle de Carnavon, qui était en promenade avec Jacques chez un voisin.